Mes yeux dans le vide, elle me regarde passer dans le creux de ses rides. Moi, j'ai trébuché, ça me fait mal en vide. J'avais le cœur cassé comme une étoile divine. À deux doigts de tomber, elle tire sur un mégot. Sans foire allumée, quand je lui tends la main, à travers la fumée. Elle cultive la poupée. J'avais tout oublié. Si on avait un peu regardé, peut-être que l'hiver ne l'aurait pas brisé. Un pied dans le vide, elle a déménagé. Elle perd son équilibre. Entre deux larmes salées, y'a comme un goût acide qui entre ses baisers. Qu'elle décide non plus jamais se caser. Elle tire sur un mégot sans foire allumée. Quand je lui tends la main à travers la fumée, elle décide la poupée. Elle que les anges avaient tout oublié. Et si on avait un peu regardé, l'hiver ne l'aurait pas brisé. Et ton cœur en hiver, je le garde au chaud, en attendant le retour du soleil. Et si le mien passe l'hiver au chaud, sache que sur toi je veille. Elle décide